Pascal freina brutalement en apercevant Léonie Bertin au beau milieu de la route. Elle baissa sa vitre et vint s'arrêter à sa hauteur. « Vous allez vous faire écraser ?»« Mon chaton est dans cet arbre-là. Regardez, il n'arrive plus à descendre, il est coincé et il a peur. Je ne peux tout de même pas le laisser dehors. » Levant les yeux, Pascal vit une petite boule de poils roux en équilibre instable au bout d'une branche à environ 3 mètres du sol. « Je file chercher mon échelle, » décréta la vieille dame. « Madame Bertin, vous n'y pensez pas. Attendez une seconde, je me gare. » Pascal se rangea sur le bas-côté et descendit de voiture tout en se demandant pourquoi ni elle ni Aurore n'avaient jamais pensé à adopter un chat ou un chien. « Dépêchons-nous, ce couillon va tomber !» enjoignit Léonie. Elle précéda Pascal jusqu'à la remise où se trouvait l'échelle, puis elle revint sur la route. « Restez devant votre portail, je m'en occupe. Comment s'appelle-t-il le petit fugueur ?»« Caramel. » Pascal déplia l'échelle qu'elle cala avec soin contre une branche maîtresse, avant de gravir lentement les barreaux, murmurant une litanie de mots doux destinés à apaiser l'animal. « Ne bouge pas, joli caramel, ou bien tu vas dégringoler, et moi avec. » Arrivée à la bonne hauteur, elle n'eut qu'à tendre la main pour que le chaton en perdition s'y accroche, plantant ses griffes minuscules dans sa paume. « Bravo, mon mignon, mais rentre tes petites aiguilles, je suis ton sauveur, pas la fourrière. Allez, on regagne la terre ferme. »« Oh, merci, merci !» s'écria Léonie qui était de nouveau plantée au milieu de la route. Débarrassant Pascal du chaton, elle le fit glisser dans l'une des profondes poches de sa blouse. « J'aime beaucoup les chats, » dit-elle comme si cette affirmation justifiait tout. « Ce n'est pas une raison pour ne pas prendre garde aux voitures ou aux camions. Les gens roulent comme des fous. » Avec un petit rire éraillé, Léonie haussa les épaules. « Il ne passe pas grand monde, vous savez bien. » Pascal rapporta l'échelle dans la remise et accepta le café que Léonie lui proposait de bon cœur. « D'accord, je vous rejoins. Je récupère mon sac d'abord. » Avant de verrouiller sa voiture, elle eut l'idée de prendre le bouquet de fleurs qu'elle rapportait du marché d'Albi. Ces hyacinthes feraient davantage plaisir à Léonie qu'à elle-même. D'ailleurs, le parc de Pérol regorgeait de fleurs de toutes les couleurs. En acheter était vraiment une ridicule idée de parisienne. « Je ne reste pas longtemps, mon coffre est plein de provisions à mettre au frais, » annonça-t-elle en entrant dans la cuisine. « J'ai dévalisé le marché de la place Sainte-Cécile, comme tous les samedis. » Elle tendit les hyacinthes à Léonie, qui la dévisagea d'un air étonné. « Pour moi ? C'est très gentil. Et puis c'est drôle, votre maman s'arrêtait parfois ici pour m'offrir un bouquet, elle aussi. Elle en ramenait d'Albi par pleine brassée. Vous vous rendez compte ?» La dernière phrase, prononcée très lentement, contenait une sorte d'avertissement qui éveilla la curiosité de Pascal. Léonie continuait de la scruter, attendant une réaction. Aussi répondit-elle à tout hasard. « Ma mère adorait les fleurs. »« Oh que oui ! Le petit Lestrade m'en parlait quand il venait tailler mes haies. Il me racontait toutes les merveilles du jardin de Pérol. Et pourtant, tous les samedis, comme vous, elle allait au marché et elle achetait des fleurs coupées, des tas de fleurs coupées. » Effectivement, Pascal se le rappelait bien. Il y avait en permanence de gros bouquets à la maison. Mais elle avait toujours cru qu'ils provenaient du parc. Sinon, à quoi bon se donner autant de mal pour les plantations ? Fronçant les sourcils, elle se souvint du panier d'osier sempiternellement accroché au bras de sa mère. Ne contenait-il que des roses fanées ? « Essayez-vous de me faire comprendre quelque chose, Madame Bertin ? » demanda-t-elle doucement. Léonie hésita et, sans la lâcher du regard, parut la jauger. « Non, rien d'autre que ce que j'ai dit. Pourtant, ça m'intriguait. Alors un jour, je lui ai posé la question, à votre maman. Sa réponse a été bizarre, tout embrouillée. Comme quoi elle ne voulait pas toucher aux siennes de fleurs, à cause du message. Du message ? Oui. Allez, buvez votre café, docteur Fontanelle. À mon âge, la mémoire n'est plus si bonne. Peut-être que je mélange, hein ? Mais elle avait toute sa tête. Pascal en était persuadé. Après avoir vidé sa tasse, elle remercia Léonie et caressa les oreilles du chaton qui dépassait de la poche. Ne le laissez plus sortir, recommanda-t-elle en partant. Que pouvait bien signifier cette histoire de message ? Sur quoi la vieille dame avait-elle voulu attirer son attention ? Perplexe, elle remonta dans sa voiture et gagna Pérol, dont les grilles étaient ouvertes. Elle remonta l'allée, puis vint se ranger le plus près possible de la porte de la cuisine. « Tu en as mis un temps !» s'exclama Aurore qui avait dû la guetter. « Je me suis arrêtée chez Madame Bertin. Je m'occupe de vider le coffre. Toi, va voir Lestrade, il est là depuis 1 heure. À mon avis, il fait une tournée d'inspection. J'ai même eu droit à des félicitations. » Il paraît que nous avons bien désherbé. Aurore se mit à rire, empoignant deux gros sacs. « Débarrasse-toi vite de lui. J'ai préparé un cake aux olives pour le déjeuner et j'ai mis du gaillac au frais. Je me demandais même si on ne pourrait pas s'installer dehors. Il fait si beau. » Toujours songeuse, Pascale acquiesça distraitement avant de partir à la recherche de l'estrade. Elle traversa la pelouse, s'arrêta, se retourna. Partout, des fleurs s'épanouissaient dans les massifs et les plates-bandes, formant une explosion de couleurs vives. Des renoncules, crocus, tulipes, campanules ou frésia, des iris et des anémones, des narcisses, sans compter une profusion de roses. « C'est beau, non ?» lança Lucien Lestrade en émergeant d'un bosquet. Il portait un gros pulvérisateur qu'il posa à ses pieds. « Saloperie de parasite ! Il faut y veiller, sinon... Est-ce qu'elles tiennent longtemps, ces fleurs ?» s'enquit Pascal de façon abrupte. « Quand celles-ci faneront, il y aura des lys et des glaïeuls, des tubéreuses et des reines marguerites, et puis des œillets, des astères. Vous plantez toujours la même chose chaque année ?»« Oui, et dans le même ordre. »« Pourquoi ?»« Parce que j'ai promis. » « À qui ? À votre avis ?»